Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il y a du Goncourt pour tout le monde. Il y a du Goncourt pour tout le monde. Affirmation imprudente, certitude naïve. Le Goncourt, on a le Goncourt qu'une seule fois. Exact. Même si, comme l'on sait, un écrivain allait l'obtenir deux fois ce prix Goncourt, en étant masqué la deuxième, cela dit. Mais nous n'en étions pas là lorsque fut diffusé, fin 1954, dans la Tribune de Paris, ce manuel du parfait lauréat de Jean Dutour par Grégoire et Amédée. Ouvrons maintenant le manuel du parfait lauréat établi par Jean Dutour. On ne saurait donner en quelques minutes un tableau complet de la vie littéraire française en 1954, qui a été très compliqué, très subtil, pleine de rites et de sous-entendus, et qui ressemble un peu à la vie ecclésiastique. Il y a des généraux des lettres comme il y a un général des jésuites, des curés de campagne, des évêques in partibus et des renégats. Comme dans la vie ecclésiastique, il y a dans la littérature des combats implacables et silencieux qui, semblables à ceux des squales, se déroulent à des profondeurs que ne soupçonne pas le simple navigateur. Le phénomène littéraire que connaît le mieux le grand public, c'est évidemment celui des prix littéraires de fin d'année. Voici un petit dialogue que nous avons surpris entre deux jeunes auteurs que nous nommerons, pour simplifier, Buvard et Perruchet. Ce qui rend ce dialogue invraisemblable, c'est qu'il est cynique. Il n'y a pas de jeune auteur cynique devant les prix. Ils sont tous tremblants d'attente et de bonheur anticipé. Mais s'ils ne se disent pas ce que se disent Buvard et Perruchet, les jeunes auteurs le pensent. Ah, dites donc, Perruchet, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Oui. Parce que je ne m'en rappelle pas, puis ça s'oublie si vite, ces choses-là. Oui, oui. Est-ce que vous l'avez déjà eu ? La Vérole ? Non, le Goncourt. Ah non, non, je n'ai pas eu. Ah. Et vous, Oui, non, enfin pas encore, non, mais ça va pas tarder, oh, c'est une question. Non, mais ce qui est ennuyeux, c'est qu'on va se gêner. Ah oui, pourquoi? Parce que moi aussi, je vais l'avoir bientôt. Oh, bah écoutez, non, vous attendrez bien un an ou deux. Parce que vous savez, une fois que je l'aurai eu, hein, une fois que vous serez débarrassé de moi, vous n'aurez aucune peine, ça c'est oui. une... Oui, comment il s'appellera votre roman? Ah ben ça, je sais pas du tout, du tout. Et le vôtre? Ben, c'est vrai que je ne sais pas non plus, j'hésite. Ah, vous ne savez pas. Puis il faut dire qu'il n'est pas encore écrit. Oui. Il est tout fait dans votre tête, au moins. Que je... Hein? Non, ça, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous avez une tête, pourtant, voyez. Ça... Oui, mais tout fait dans ma tête, ça ne veut rien dire. Si encore vous disiez tout écrit dans mon encrier, mais un livre, c'est écrit sur du papier ou... Vous savez pas. Enfin, vous avez bien une petite idée. Ah, oui, Bon, alors dites-la j'ai moi. J'ai une idée. Vous voulez me la dire? Allez, J'ai l'idée d'avoir le prix Goncourt. Ah oui, bah ça, non, absolument rien à faire, mon vieux. Ça, c'est mon idée. Oui, mais il y a très longtemps que je l'ai eu. Alors là, non. Vous énervez pas, il y a du Goncourt pour tout le monde. Ah oui, on dit ça. Et puis écoutez, entre nous, mon vieux, vous n'avez pas tellement de talent, n'est-ce pas? Non, je ne dis pas que j'en ai non plus, mais puisque vous n'en avez pas non plus, vous en avez, vous, du talent? Ah non, j'en ai pas du tout. Mais moi, je sais faire un livre. Ah ben moi aussi. J'ai appris. Et puis, je m'intéresse à la littérature. Moi aussi. Parce que c'est une matière moins difficile que la charcuterie ou le commerce des chemises, n'est-ce pas? Alors, comme je pense à mes vieux jours et que je déteste le genre artiste, moi aussi. Tiens absolument à faire une carrière. C'est pas comme vous. Mais vous êtes un capitaliste. Moi, je suis un fonctionnaire. Oui, fichez-moi la paix, vous comprenez? Moi, je suis membre de la Société des gens de lettres. Mais moi aussi, mais ça n'empêche pas. Écoutez, soyons sérieux, mon vieux. Moi, j'aime la vie large, la considération du monde et les jolies femmes. Oui. Vous pouvez pas en dire autant. Comment est-ce qu'on obtient ça? Voulez-vous me le dire? Évidemment, il faut obtenir le Goncourt. Le Goncourt, je ne vous le fais pas dire. Mmh. Alors. Et puis le Goncourt, ça représente une douzaine de millions. Une douzaine de millions. Mais c'est justement ce dont j'ai besoin, moi, vous comprenez, pour acheter une automobile italienne, louer un appartement à ma mesure et puis spéculer un petit peu sur la Standard Oil. Moi, ce n'est pas la même chose. Oui. Moi, je n'en ai pas besoin exactement de 12 millions, mais il me faut du rab après avoir été en voyage pas que j'irai en Égypte, par exemple. Oui. Là, il me restera encore un peu d'argent. Alors après, j'irai en Grèce, et puis à Naples, et puis à Brive-la-Gaillarde. Oui, vous voyez, non, ça, c'est pas possible. Ça vous y prenez mal, vous savez. Je vous donne pas 3 mois pour être harponné par une coureuse que vous épouserez et qui vous donnera 15 enfants d'un clin d'œil. Ah, mais non, mais vous savez pas vous en servir. C'est pas la peine de l'avoir, le prix Goncourt. Comprenez, attention. Et on a le Goncourt qu'une fois. Alors, si vous gâchez votre chance... Ah oui, ça, on a le Goncourt qu'une fois. On a le Goncourt qu'une fois, Et même par-dessus le marché, nous ne pouvons pas l'avoir ensemble, le Goncourt. Comment voulez-vous qu'on ait l'ensemble si C'est pas possible. Écoutez, tenez, voilà, laissez-moi le Goncourt, et puis prenez le Fémina. Ça se vend très bien, le Fémina, en ce moment. Non, le Fémina, c'est pas le même public. Si, j'ai le même public. D'ailleurs, il n'y a qu'un public pour nous, n'est-ce pas? C'est le grand public. Oui. Celui qui ne lit pas. Le grand public, c'est celui qui ne lit pas. Moi, j'écris pour les gens qui ne lisent pas. C'est mon ambition. Je n'en sortirai pas. Il y a aussi ceux qui lisent pour les gens qui n'écrivent pas, mais c'est beaucoup plus rare. Oui. Moi, quand j'aurai écrit 15 romans traitant le même sujet avec les mêmes mots, vous comprenez, tirer chacun 150 000 exemplaires, monsieur Paulan, pourra aller se faire voir par les Turcs. Oui. Non, moi j'y fais ma cour tous les mercredis. Ah oui. Il vous trouve génial? Oui, moi il me trouve génial. Pour vous? Ah non, pas du tout. Du tout. Remarquez, ça ne me rapporte pas un sou. Ah bah là, moi non plus. Qu'on soit génial ou qu'on ne soit pas génial. Mais moi je serai de l'Académie française, tandis que Paulan, il n'en est pas. Ah oui. Mais il faut dire que l'Académie française en a vu bien d'autres. Oui, c'est vrai. Puis alors, quand on est de l'Académie, vous savez pas sur qui on a le pas ? Sur les ambassadeurs. Je pense bien. Les ambassadeurs. Dans le Réunion mondaine, bien sûr. Oui. Par ailleurs. On peut avoir le pas partout sur les ambassadeurs. C'est une belle carrière. Un bel avenir. Si on allait l'écrire, ce livre. On y va ? Écrire le livre. Non, il faut aller voir M. Paulan maintenant, plus utile. Aujourd'hui ? Oui. Ah, ben oui, aujourd'hui, oui, bien sûr, c'est... C'est l'arbre de Noël. C'est l'arbre de Noël qu'il a organisé pour les jeunes écrivains incompris. Ça ne nous concerne pas du tout. C'était le manuel du parfait lauréat dans la Tribune de Paris par Jean Dutour, Roland Dubillard et Philippe de Chorizet étaient Grégoire et Amédée. Réalisation Alain Truta, première diffusion sur Paris Inter le 31 décembre 1954. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.